Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Comment réussir à raisonner faux? Il y a des recettes et on vous les expose immédiatement. Super Fail à votre service, grâce à vous Olivier Sibony, bonjour. Bonjour. Olivier Sibony, vous êtes professeur à HEC Paris et vous avez notamment publié « Vous allez commettre une terrible erreur » aux éditions Flammarion, avec tout un raisonnement que l'on va exposer sur les biais cognitifs, c'est-à-dire ce qui peut nous tromper dans nos manières de raisonner, comme par exemple les illusions auditives. En voici une. Alors voilà, ça c'est une illusion auditive, vous l'entendez Olivier Sibony, ça accélère, en tout cas on a l'impression que ça accélère, et en fait ça accélère pas du tout. Ce qui est incroyable, parce qu'en fait on peut le réécouter plusieurs fois, on aura toujours l'impression que ça accélère, alors que même on sait maintenant, parce que vous nous l'avez dit et qu'on vous fait confiance Guillaume Erner, que ça n'accélère pas. C'est David Jacoboviez qui nous le dit, on va avoir tendance à penser, on sait que ça n'accélère pas, et néanmoins on peut le réécouter des dizaines de fois, on va toujours penser que ça accélère. C'est le même phénomène qu'on a avec les illusions d'optique, et c'est en fait le même phénomène qu'on a avec les biais cognitifs. C'est-à-dire que vous pouvez lire des tas de choses sur les biais cognitifs, par exemple, vous pouvez lire que vous êtes sujet à l'excès de confiance ou au biais de confirmation. Vous le saurez maintenant, vous aurez appris quelque chose sur votre capacité à vous tromper, et néanmoins, ça ne vous immunisera absolument pas contre ces erreurs. Vous continuerez à les commettre de la même manière, exactement comme vous continuez à entendre l'illusion auditive. Alors voilà, vous avez notamment analysé, Olivier Sibony, ce qui nous conduit à faire des erreurs avec des raisonnements qui nous paraissent évidemment tout à fait vrais. Vous avez prononcé deux mots, les biais cognitifs et également les biais de confirmation. Et donc, il va falloir nous définir, Olivier Sibony, ce que ces deux termes désignent. Alors, les biais cognitifs en général, d'abord, il faut tordre le cou à la connotation négative du mot biais. Souvent, quand on dit biais, on pense les biais sexistes, les biais de genre, les biais racistes, etc. Ça existe aussi, bien sûr, mais c'est pas de ça qu'on parle ici. Ici, on parle de biais qui sont neutres du point de vue moral, entre guillemets, qui sont simplement des erreurs, généralement des erreurs de bonne foi, et qui vont nous conduire d'une manière prévisible à nous tromper. Je prends l'exemple du biais de confirmation dont vous parliez. On sait, parce qu'on l'a testé des centaines de fois, qu'à partir du moment où on a une hypothèse en tête ou une idée en tête, on va avoir tendance à ignorer les choses qui nous contredisent et à donner plus d'importance et à prêter plus d'attention aux choses qui nous confortent dans notre opinion de départ. Alors quel type d'erreur ça peut donner, un biais de confirmation? Alors ça donne des tas d'erreurs qui vont de la plus basique à la plus spectaculaire. J'en prends un exemple que je trouve frappant, que j'ai découvert en faisant la recherche pour ce livre. Les experts de la police scientifique, les experts en empreintes digitales qui comparent des empreintes digitales pour dire là j'ai relevé une empreinte, enfin vous avez relevé pour moi une empreinte sur une scène de crime, ici j'ai un spécimen qui a été donné par un suspect et je dois dire si ça correspond ou si ça correspond pas. On n'a pas l'impression comme ça que ça soit une tâche qui laisse beaucoup de marge à l'interprétation. Et bien pourtant, il y a un chercheur anglais qui s'appelle Itiel Dror qui s'est amusé à piéger ces experts-là en les biaisant, en leur donnant un biais de confirmation, c'est-à-dire en leur soumettant des empreintes après leur avoir dit « Regarde, mais de toute façon le suspect a un alibi, donc a priori ça ne doit pas correspondre » ou au contraire « Regarde, mais de toute façon, le suspect a déjà avoué, donc a priori, ça doit correspondre. » Et selon qu'on leur dit une chose ou l'autre, les mêmes experts, qui vont regarder la même empreinte à quelques mois d'intervalle sans savoir que c'est la même, vont avoir une conclusion qui est assez souvent différente. Donc, l'idée qu'on nous a mise en tête va non seulement changer la manière dont on interprète les choses, mais va changer jusqu'à ce qu'on observe, jusqu'à la réalité sensible. Est-ce qu'il y a des moments dans la vie où on a tendance à commettre des biais de confirmation, Olivier Sibony? Il y en a toujours, en particulier quand on est très convaincu qu'on est sur la bonne voie et qu'on est dans la bonne direction. Un exemple qui m'a frappé parmi les exemples de dirigeants que j'ai regardés, c'est un monsieur qui s'appelle Ron Johnson, qui était le patron des Apple Store, qui a été l'inventeur des Apple Store. Hein, ces magasins très modernes, très innovants, avec énormément de choses radicales par rapport à ce qu'on faisait à la distribution avant, et qui ont été considérés à juste titre comme un des plus grands succès de l'histoire de la distribution. Donc Johnson gère ça pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, on l'appelle pour devenir le patron d'une autre chaîne de magasins, qui pour le coup existe déjà, qui s'appelle JCPenney, qui est une chaîne de grands magasins plutôt milieu de gamme aux États-Unis. Et Ron Johnson est absolument convaincu, et d'ailleurs son conseil d'administration avec lui, qu'il va pouvoir appliquer les mêmes recettes qui ont fonctionné chez Apple. Et il va les appliquer avec une rigueur, une méthode et une détermination absolue. Ce qui fait qu'en moins de 18 mois, il va perdre 25% du chiffre d'affaires, licencier 20 000 personnes et perdre plus de la moitié de la valeur de l'entreprise en bourse. Une belle réussite pour Superfail. Pour Superfail, c'est un cas absolument parfait. Pour vous dire jusqu'où c'est allé, certains de ses concurrents présentaient leurs résultats trimestriels qui étaient excellents. Et quand on leur demandait pourquoi, ils disaient franchement, on n'a pas d'autre explication à part le fait que les clientes de JCPenney s'en détournent et viennent chez nous. Et on remercie notre concurrent de se tirer dans le pied avec autant d'acharnement. Donc c'est vraiment qu'on a affaire à quelqu'un qui n'était pas dans la bonne voie. Et pourtant, il continue à dire encore aujourd'hui que si on lui avait laissé plus de temps, ça aurait fini par marcher, parce qu'il était absolument convaincu qu'il voyait tous les signes que ça allait dans la bonne direction. Par exemple, le plus évident de ces signes-là, c'est que tout le monde lui disait « Ron, on va dans le mur ». Ce qui est assez logique, parce que quand vous êtes en train de perdre 25% de votre chiffre d'affaires, dans une société de distribution, vous avez les résultats tous les jours. Donc c'est pas comme si ça mettait du temps à se matérialiser. Normalement, on le voit. Et que se dit quelqu'un comme lui dans une situation comme ça ? Il se dit « Je suis en train de faire une transformation radicale. Chacun sait que quand on fait une révolution, il faut s'attendre à de la résistance. Donc plus il y a de résistance, plus ça me dit que je suis sur la bonne voie. Et plus ça me dit aussi qu'il faut me débarrasser de ces gens qui sont des sceptiques et qui ne parviendront pas à mettre en œuvre cette grande transformation. Et donc plus on va résister, plus il va se dire qu'il est dans la bonne voie. Donc on voit bien comment le biais de confirmation peut nous conduire à persévérer dans l'erreur. » Un autre exemple frappant, c'est, si on reprend la même histoire mais qu'on le regarde de l'autre côté, c'est qu'est-ce qui a pu conduire le conseil d'administration de cette société JCPenney à se dire que Ron Johnson était un sauveur extraordinaire. Ils n'étaient d'ailleurs pas les seuls, parce que le jour où Ron Johnson arrive chez JCPenney, le cours de l'action bondit de 17%. Tout le monde est absolument convaincu qu'il va réussir à redresser cette société parce qu'il a des pouvoirs magiques. Il y a même littéralement des citations dans les journaux qui disent « c'est un magicien, tout ce qu'il touche se transforme en or ». Comment est-ce qu'on arrive à croire que quelqu'un, sur la base d'un succès même spectaculaire, est doté de pouvoirs aussi magiques ? En fait, ça c'est une erreur qu'on commet tous, qui s'appelle l'erreur d'attribution, certains disent l'erreur d'attribution fondamentale, qui consiste à penser que c'est ce que nous faisons et qui nous sommes qui détermine les résultats. En réalité, si vous regardez l'histoire de Johnson chez Apple, il a effectivement inventé un format de magasin qui est tout à fait spectaculaire, mais enfin, il a surtout eu la grande chance d'arriver au moment où Apple lançait l'iPod, et de passer 10 ans au moment où Apple a lancé, outre l'iPod, l'iPhone et l'iPad. Et quand vous regardez la courbe des ventes des Apple Store, elle correspond exactement, bien sûr, au lancement de ces produits phénoménaux. Et quand vous demandez aux gens qui font la queue devant les Apple Store toute la nuit, pourquoi ils font la queue toute la nuit, c'est pas pour admirer le magasin et pour bénéficier de la merveilleuse qualité de service des vendeurs. C'est pour venir acheter ces produits-là. Donc on pourrait quand même assez logiquement se dire qu'une grande partie du succès de Ron Johnson ne tient pas à ses qualités personnelles. Et pourtant, on est tous enclins à penser que le succès d'une entreprise est celui de son patron. L'échec d'une entreprise, d'ailleurs, est aussi celui de son patron. C'est un autre biais assez répandu. Dans votre livre, vous allez commettre une terrible erreur publiée chez Flammarion, Olivier Siboni. Vous donnez des exemples également de notre entendement et de la manière dont celui-ci se trompe avec les statistiques. Parce que notre cerveau n'est pas particulièrement bien outillé pour comprendre les statistiques. Et donc, on peut avoir des certitudes qui sont des certitudes absolument fausses. Absolument. Alors, on a une série de biais qui font qu'on est très très bien équipé pour raisonner du particulier et en déduire du général, et non pas le contraire. Ce qui est une très bonne manière de se tromper. C'est une manière assez efficace de se tromper. Un exemple frappant, c'est l'histoire d'un gérant de fonds qui s'appelle Bill Miller, qui à la fin des années 90, au début des années 2000, était considéré comme le meilleur gérant de fonds du monde. Alors, vous voyez, un gérant de fonds, c'est quelqu'un qui gère l'argent des gens qui le placent chez lui, en l'occurrence dans une grande firme américaine, et qui chaque année va essayer de faire mieux que son indice de référence. En théorie financière, on se dit qu'au-delà d'une certaine échelle, c'est à peu près impossible de faire systématiquement mieux. Donc si on y arrive, ça ne peut être que de la chance. Si vous y arrivez 2 années de suite, c'est que vous avez beaucoup de chance. 3 années de suite, c'est que vous avez énormément de chance. Bill Miller y est arrivé 15 années de suite. Personne n'avait fait ça avant lui. Merveilleux. Et donc forcément, on se dit, c'est merveilleux. Il a dû trouver quelque chose. Il doit avoir une compétence extraordinaire. Parce que statistiquement, la probabilité que quelqu'un gagne à pile ou face 15 fois de suite est très très faible. Donc c'est qu'il ne joue pas à pile ou face. Donc c'est qu'il a un talent particulier. En fait, quand un statisticien un peu avisé regarde ce problème-là, il se dit que c'est pas du tout la bonne manière de le prendre. La bonne manière de le prendre, c'est pas quelle était la probabilité que Bill Miller, sur ces années-là, réussisse ce qu'il a réussi, c'est quelle est la probabilité qu'à un moment donné, depuis que les marchés financiers existent, sur une période de 15 ans, il y ait un gérant de fonds parmi les milliers de gérants de fonds qui s'y essayent, qui réussissent 15 années de suite à battre le marché. Et là, quand on le regarde comme ça, en fait, la probabilité est très élevée. L'événement qu'on observe, qui se trouve tombé sur Bill Miller, n'est pas particulièrement surprenant. Et donc, ces différents biais, qui sont des biais que l'on a tous, parce qu'il est difficile donc de réussir à s'en départir complètement, sur quoi ils s'appuient ? Est-ce qu'on comprend, Olivier Cibony, comment cela se fait-il que, même si on a beaucoup réfléchi à un sujet, on peut héberger à son corps défendant un biais de confirmation ou un biais cognitif quelconque ? Oui, on le comprend tout à fait, et la raison principale, c'est que, en fait, c'est très bon pour nous d'avoir ces biais en général. La terminologie qu'utilisent beaucoup de psychologues cognitifs, en particulier Daniel Kahneman qui a écrit un livre là-dessus, c'est le système 1 et le système 2. Le système 1, c'est notre manière de penser rapide, immédiate, intuitive. Le système 2, c'est notre manière lente, méthodique et appliquée. Et en fait, on va très souvent se servir de notre système 1 qui va souffler des idées à notre système 2 et qui va nous permettre de gagner beaucoup de temps et beaucoup d'efficacité. C'est ça qui va nous conduire à avoir un certain nombre de biais, mais ces biais sont le revers d'une médaille qui est très importante et sans laquelle on ne pourrait pas vivre. Je prends un exemple. Il y a un biais archi démontré et très frappant, qui est le biais d'excès de confiance. On a tendance à se surestimer. On a tendance à surestimer les chances de succès de ce qu'on entreprend. On a tendance à surestimer nos compétences et nos aptitudes relatives par rapport aux autres. On a tendance à être trop précis dans nos estimations et dans nos prévisions. Bref, on se surestime. C'est donc un biais qui est une source d'erreur prévisible. Mais qu'est-ce qui se passerait si on ne surestimait pas ? Ça serait en fait bien pire. Si on était pessimiste, si on n'était pas entreprenant, si on prenait aucun risque, parce qu'à tout moment on se disait « j'ai beaucoup plus de chances d'échouer que de réussir », ça serait tragique pour nous en tant que personne et pour la société en général. Donc l'évolution nous a dotés de cette capacité d'optimisme et d'enthousiasme qui fait qu'on va de temps en temps se tromper, mais dont on ne voudrait pas se priver. Et sur le plan politique, puisque vous évoquez ces décisions donc de managers, qui sont des décisions de managers qui utilisent des biais cognitifs, est-ce que la même chose existe pour d'autres décisions, Olivier Cibony ? La même chose existe dans toutes les décisions, que ce soit nos décisions personnelles, que ce soit les décisions politiques, que ce soit des choix de quelque sorte que ce soit. Dès le moment où on a des êtres humains qui prennent des décisions, ils vont être sujets à ces biais cognitifs. Dans des contextes politiques, ça va être accentué par le fait qu'on n'est pas toujours dans des organisations qui partagent des... Où tout le monde partage les mêmes objectifs, on va dire. C'est-à-dire que, dans tous les sens du terme, on peut faire de la politique. Donc vous pouvez parfois, peut-être plus souvent que dans une entreprise, être entouré de gens qui n'ont pas intérêt à ce que vous réussissiez, ce qui va compliquer encore un petit peu les choses. La difficulté qu'on a en politique, je crois, pour comparer ça avec le type de sujet dont je parle, c'est que la finalité n'est pas forcément quelque chose sur laquelle on est d'accord. Et au fond, quand vous êtes le patron d'une entreprise, tout le monde est à peu près d'accord sur ce que vous cherchez à faire. Vous cherchez à faire des profits, vous cherchez à développer l'entreprise, vous cherchez à créer de la valeur pour vos actionnaires. Ce qui n'est pas forcément le cas en politique, et ça va compliquer beaucoup les choses, parce qu'on peut être en désaccord non seulement sur les moyens d'atteindre ces objectifs, mais sur les objectifs eux-mêmes. Il y a quand même des méthodes, Olivier Cibony, pour tenter d'échapper à ces biais cognitifs. Il y a des méthodes pour y échapper, à condition de commencer par admettre, paradoxalement, qu'on ne va pas y échapper. C'est-à-dire que dès le moment où j'accepte que j'ai des biais cognitifs, je vais devoir accepter de m'entourer de gens en qui j'ai confiance, qui en ont aussi, mais pas forcément les mêmes que moi. Et si j'arrive dans ce collectif, dans cette équipe, à avoir une méthode de travail qui va nous permettre d'exprimer la diversité de nos idées, de les confronter avec des faits, avec des analyses, et de parvenir ensemble à ce qui est la meilleure décision, j'ai de grandes chances de parvenir à prendre de meilleures décisions que si je suis tout seul et que je me dis que je suis formidable. Merci beaucoup Olivier Cibony, je recommande donc votre livre « Vous allez commettre une terrible erreur ». Je n'irai pas jusqu'à dire que nos auditeurs vont commettre une terrible erreur s'ils ne lisent pas votre livre, mais en tout cas, il est publié aux éditions Flammarion. Merci. Superfell a été piétiné par Daphné Abgral à la production, gâché par Pascal Baudin à la technique et surtout dévasté par David Jakubowiez à la réalisation. Superfell.